Chapitre 4. Bien mal acquis ne profite jamais, dit la sagesse des nations. C'était parfaitement vrai du temps de Scaramouche, si l'on en juge par ce qui lui advint sur la route de Civitavecchia à Ancône. Aujourd'hui, c'est différent. Bon nombre de fortunes d'une origine véreuse n'en sont pas moins très solides. Scaramouche avait en outre deux grands défauts, il était bavard et gourmand. Pour charmer les ennuis du voyage, il se mit à raconter à son valet, car il s'était fait cadeau d'un valet en même temps que d'un habit, le bon tour qu'il avait joué aux deux esclaves turcs. Dieu sait s'il se rengorgea lorsqu'il vit son auditeur, ravi, en extase, tomber à ses genoux en le proclamant le plus ingénieux fripon de toutes les parties connues du monde. Son appétit fut tellement aiguillonné par la joie d'un succès si flatteur, qu'à peine entré dans l'hôtellerie où il devait passer la nuit, il se fit servir un souper dont se fussent contentés quatre cardinaux. Après s'être bien repu et avoir bu à proportion, il s'alla coucher et s'endormit d'un sommeil si profond que 20 coups de canon n'auraient pu l'interrompre et si bruyant que cette nuit-là, du haut en bas de la maison, il fut impossible aux voyageurs de goûter un instant de repos. Le valet de notre dormeur, ne pouvant parvenir à fermer l'œil, conçut et exécuta le projet d'aller chercher un gîte plus tranquille. On n'a jamais su de quel côté. Grande fut la contrariété de Scaramouche lorsque le lendemain matin il se trouva seul dans sa chambre, n'ayant personne pour l'habiller, mais ce fut bien pire quand il eut reconnu que son argent et son habit de gentilhomme avaient disparu en même temps que le valet. Son désespoir éclata en cris et en sanglots, à tel point que l'hôte, ému jusqu'au fond de l'âme, le couvrit de quelques vieilles nippes auxquelles il ajouta un morceau de pain et deux ou trois pièces de menu monnaie. Les aubergistes se laissent rarement entraîner à de telles générosités, mais peut-être celui-ci avait-il écorché tant de voyageurs qu'il n'était pas fâché de saisir une occasion de mettre sa conscience en repos en s'imposant comme pénitence cette sorte de restitution. Scaramouche, pénétré de reconnaissance, quitta l'hôtellerie en comblant de bénédictions son bienfaiteur et en faisant passer d'un dressoir dans sa poche une petite tasse d'argent qu'il tenait à emporter sans doute comme souvenir.